entre dans un tunnel. Certaines règles de circulation sont valables dans tous les tunnels. Interdiction de s'arrêter sauf cas d'urgence, interdiction de faire demi-tour, obligation d'allumer ses feux. D'autres interdictions ou obligations sont souvent imposées. Un panneau les précise. Ici, pour le dépassement, il faut prendre en compte que ce tunnel est à sens unique et qu'il existe deux voies dans mon sens de circulation. Je pourrais donc utiliser la voie de gauche pour dépasser. Quant au klaxon, en cas d'urgence, il serait dommage de ne pas pouvoir s'en servir. Réponse B et D.